facile, tu sais. Allez, viens chanter avec moi. Viens, Georgia. Thank you. c'était YouTube. Ah ouais. Je sais pas jouer un petit YouTube, moi. Se lève. Ah, ça, c'est quoi, ça? Mi, ma fille elle veut jouer. C'est quoi? Un sourd minuit se lève en haut des tours. Les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle en quelques heures. La zone sale et les épaves à laideur. J'ai pas choisi de naître ici. Entre l'ignorance et la violence et l'ennui, je me sortirai, je me promets. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Envole-moi, envole-moi, envole-moi. Loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi. Envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi, envole-moi, envole-moi, envole-moi. Loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi. Rébellion, les rues que je fixais, les laissons flipper. Chante, verre et glace, l'été et feu. Mais il n'y a jamais de saison pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici, entre la solution, la peur ou l'abandon. Je m'en sortirai, je te jure, à coup de livre, je t'en jure. Envole-moi, envole-moi, envole-moi. Loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi. Remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi. Envole-moi. Tu connais. Allez, on fait que le refrain alors. Que le refrain. Et chante, chante avec moi. Allez, t'as les paroles, regarde. Ah mais c'est que t'entends pas le son, toi. Hein? Mais tu suis ma guitare, tu l'as vu, t'entends pas? Eh oui, avec le casque, si j'enlève le casque, ils vont. Regarde. Allez, tu fais comme moi. T'es prête? On va partir avec ça. Tu chantes un peu le micro. Chante fort. Mais c'est, attends, je coupe pas. Je vais partir à. Allez, attention, parce que. Envole-moi, peut-être d'autres horizons, d'autres mots. Regarde, elle aime bien la chanson en plus. Tu peux pas chanter ? Bon bah. Salut. Told you. J'ai pas l'adaptateur. Je sais pas où il est. Je sais pas ce qu'on a foutu l'adaptateur. Il est pas dans la trousse là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait? Attends. Aïe. Pieds nus sous la lune, sans toi et ton fortune, je passe mon temps à faire n'importe quoi sur les pistes, hors de préférence. Quand le démon de la danse prend le corps, je fais n'importe quoi. Tout va bien. Sous l'engerque électronique, c'est nous des amours ludiques. C'est la fête, c'est psychédélique. Ne te demande pas ce que je fabrique, je te répondrai n'importe quoi, j'en sais rien. photo. Sur moi, ces photos m'attendent. D'or près des dunes, je te raconterai n'importe quoi, ce sera bien. Bon, je fais une pause. C'est toi, Willis, l'adaptateur. On en avait un, pourtant. Donne-moi la grosse boîte là. Non, touche pas ce micro. Ça déjà ouh, ils sont partis pour gagner avec Capitaine Amené. Ils sont du Pacifique. Je sais pas y jouer ça. force de briser dans mes mains des guitares. Sur des scènes violentes, sous des lumières bizarres. Ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts.